Chapitre 7e. Sans trop de peine, Rabascas réussit à maintenir la distance qui le séparait de l'auto. La limousine, en effet, roulait à une allure modérée. Ses occupants, en gens prudents, ne tenaient sans doute pas à risquer une contravention pour excès de vitesse qui eût pu tout faire découvrir. L'auto sortit de Paris par la porte de Saint-Ouen. Toujours à petite vitesse, elle traversa Aubervilliers, Pantin, Bagnolet, Montreuil et Vincennes, ayant atteint Charenton, prit la route de Melun. Bien que la limousine roulât assez doucement, Rabascas avait fort à faire pour la suivre, et à mesure que les kilomètres s'ajoutaient aux kilomètres, il sentait ses jarrets se durcir et la fatigue le gagner. Mélancoliquement, il pensait que d'un moment à l'autre, il serait obligé d'abandonner la poursuite. Le tout était de savoir si les Japonais allaient loin. Mais Oilfort fut dépassé. À Villeneuve-Saint-Georges, la limousine, au grand soulagement du détective, qui commença à s'essouffler, s'arrêta devant une pharmacie. Un individu, qui, en jugé par son allure, n'avait rien d'un Japonais, sortit du véhicule et pénétra dans l'établissement. Rabascas, qui avait mis pied à terre, résolut de profiter de l'occasion inespérée qui se présentait. Continuer à suivre l'auto, il ne le pouvait, et puis il suffisait que les Japonais augmentassent de vitesse pour qu'il fût irrémédiablement semé. Tout bien considéré, le plus simple était encore de prévenir le commissaire de police le plus voisin et de faire arrêter les bandits. Après, on verrait. Mais en tout cas, Browning serait délivré. Rabascas s'élança vers un gros homme qui passait à quelques mètres de lui et le pria de lui indiquer le commissariat. L'inconnu le renseigna de bonne grâce. Rabascas, s'étant retourné, vit que l'auto n'avait toujours pas bougé et que l'individu entré dans la pharmacie n'en était pas sorti. Il hâta le pas, ayant tourné l'angle d'une rue, conformément aux indications qui lui avaient été données, s'arrêta net en apercevant, à trois pas de lui, une superbe motocyclette à laquelle était fixé un sidecar. Dans le sidecar, une femme était assise, emmitouflée jusqu'aux épaules, dans une épaisse couverture de caoutchouc. Sans réfléchir, Rabascas bondit vers la moto. Il posa son vélo contre le trottoir, sauta sur la motocyclette et d'un même mouvement lança le moteur et l'embraya. « Mais, monsieur, je... » cria la femme en se dressant dans le sidecar. « Asseyez-vous, madame, vous allez tomber !» l'avertit Rabascas froidement. « Ne craignez rien, vous êtes en sécurité avec moi. »« Mais laissez-moi descendre, je vais crier !» Rabascas ne répondit pas. La moto venait d'atteindre la petite place où s'était arrêtée la limousine, mais celle-ci venait de démarrer et filait à bonne vitesse dans une large rue voisine. En quelques instants, elle eut atteint la route de Melun. Cette fois, les Japonais semblèrent vouloir attraper le temps perdu. La limousine roula à plus de 60 km à l'heure, ses phares électriques éclairant nettement la route devant elle. Rabascas mit toute l'avance à l'allumage. La moto était robuste et rapide. Le Bordelais put aussitôt constater avec une satisfaction intense qu'elle pouvait facilement tenir tête à l'automobile. Melun fut dépassé. Ce fut à peine si les Japonais ralentirent pendant la traversée du chef-lieu de la Seine-et-Marne. Naturellement, Rabascas les imita. La dame, cependant, avait cessé de se plaindre. Elle s'était installée le mieux qu'elle avait pu et avec philosophie attendait les événements. « Vous me direz au moins où vous me menez, monsieur » questionna-t-elle. Comme Rabascas ralentissait en arrivant devant les premières maisons de Melun. « Mais je n'en sais rien, madame. Je poursuis l'auto que vous avez pu voir devant nous. Elle contient des voleurs, des espions et des assassins. J'allais prévenir le commissaire de police lorsque j'ai vu cette moto. Alors, je n'ai pu résister à la tentation de poursuivre mes bandits. D'autant plus que je les suivais depuis Paris sur la bicyclette que vous avez vue. Je n'ai rien vu du tout et je ne suis pas obligé de vous croire. Si j'appelais, que feriez-vous ? Mon Dieu, madame, rien du tout. Je stopperai, et je me laisserai arrêter. Mais si, à la suite de vos appels, les bandits réussissaient à échapper, vous pourriez ne l'accuser que vous. Vous êtes un drôle d'homme, monsieur, et vous avez une singulière façon d'arranger les choses. Enfin, je veux bien vous croire, mais je vous demande, dès que cela sera possible sans nuire à la poursuite, de me laisser télégraphier à mon frère, avec qui j'étais. Lui qui était entré chez les amis pour prendre un paquet que nous devions ramener à Paris, il va se demander ce que je suis devenu. Enfin, j'aime l'imprévu. Peut-être pourrais-je vous prêter main forte. En cas de quelque chose, j'ai un revolver. Mais je ne demande pas mieux, madame. Madame. Mademoiselle Andrieux, de Paris. Et moi, Césaire Rabascas, de Bordeaux, de la célèbre agence de détective Browning & Co. C'est moi, Co. Vous connaissez certainement. Oui, il me semble, quoique je n'ai jamais besoin d'avoir recours à la police, privée ou non. Tandis que s'échangeait cette courte conversation, la moto avait traversé Melun et filait maintenant vers Fontainebleau. L'auto avait encore accéléré son allure et bondissait à près de 80 à l'heure. Mais la motocycliste soutenait facilement cette vitesse, bondissant sur les caniveaux, roulant, tanguant sur les creux et les aspérités de la route. Rabascas devait user de toute son attention pour ne pas déraper ou capoter sur le sol boueux, et sa tâche était d'autant plus difficile que le phare de la moto n'était pas allumé. « Est-ce qu'il y a beaucoup d'essence dans le réservoir ?» cria Rabascas en se penchant vers la jeune fille. « Je ne sais pas, » répondit-elle, « mais dans le sidecar, il y a 3 bidons pleins. Seulement, il faudra s'arrêter pour en transvaser le contenu dans le réservoir. Et pendant ce temps, ils nous échapperont. Non, prenons des chemins de traverse. Je connais très bien la route à travers la forêt de Fontainebleau. Nous prendrons de l'avance et en profiterons pour faire le plein. Laissez-moi vous guider. » « Ça va, » fit Rabascas, enthousiasmé. La moto venait de dépasser Bois-le-Roi. Mademoiselle Andrieux lui fit faire un léger crochet sur sa droite. Elle s'engagea dans un étroit chemin serpentant à travers bois. Plusieurs fois, Rabascas crut bien qu'il allait se jeter contre un arbre ou capoter dans quelque trou. La chance le favorisa, rien de fâcheux n'advint. « Je crois que nous devons avoir dépassé l'auto, » fit enfin Mademoiselle Andrieux. « La route est sur notre gauche. Nous allons la rejoindre à 500 mètres d'ici. Nous verrons alors où est l'auto, et s'il est en arrière de nous, comme je le crois, nous nous arrêterons pour faire le plein et reprendrons ensuite la poursuite. » « Vous êtes épatante, » assura Rabascas. « Et si vous n'étiez pas une femme, Bagas, je vous aurais demandé de faire partie de l'agence Browning & Co. Nous verrons cela, » fit la jeune fille en souriant. Encore quelques secondes, et entre les arbres et les taillis, Rabascas aperçut la trouée de la route. Il stoppa la moto à une quarantaine de mètres de la route et sauta à terre. « Allez voir ce que devient l'auto, » proposa la jeune fille. « Pendant ce temps, je ferai le plein d'essence. Ça va, » accepta Rabascas, qui, à pas rapide, se dirigea vers la route. Ayant atteint le fossé rempli de ronces qui l'abordait, il regarda, et une exclamation faillit lui échapper. À moins de 100 mètres sur sa gauche, dans la direction de Paris, la limousine était arrêtée. Un de ses phares avait été démonté et servait à éclairer une des roues arrière autour de laquelle deux hommes étaient accroupis. « Ils ont dû crever un pneu, » pensa Rabascas. « Si j'en profitais pour aller voir de plus près ce qu'ils font, peut-être que je ne perdrai pas mon temps. »